fait tout souci. Tu jardinerais l'amour, et que cela serait un peu avant ma mort. J'ai toujours eu confiance, je n'ai pas renoncé. Bien avant ta présence, tu m'étais annoncé. Voilà, ce sera toi, ma présence effective. Je serai dans la joie de ta peau non fictive, si douce à la canne, si légère et si fine, entité non divine, à l'image de tendresse. Présence effective, je serai dans la joie de ta peau non fictive, si douce.